Le lendemain matin, tandis que M. Dumanel lisait les journaux dans le salon de l'hôtel, il vit venir à lui le colonel Comte de l'Étoile, qui lui dit, souriant et satisfait, « Je viens de la préfecture de police. »« Ah ?» fit M. Dumanel poli, prenant l'air intéressé. « Oui, j'ai donné le signalement. » Depuis la veille, le bon Ernest avait beaucoup réfléchi, et le colonel lui apparaissait non plus à présent comme un intrigant et un gêneur, mais comme au contraire une sorte d'ange gardien libérateur. Si, en effet, il voulait bien s'occuper de sa femme, la promener, la piloter dans l'exposition ainsi qu'il le lui avait offert, lui, Dumanet, laissant Sylvie aux bons soins des la mayonnaise, pourrait jouir aussi un peu et pour la première fois d'une liberté relative. La pensée d'Ondine de Panama et de son rendez-vous le hantait. Jamais, depuis le temps lointain où Claire Davoué à Pont-sur-Orne et logeant sous les combles dans une vieille belle maison de la rue des Franciscains, il avait connu intimement la bonne d'un juge au tribunal qui était sa voisine de chambre, il ne se souvenait d'avoir goûté le charme d'aucune liaison défendue. Tout jeune, on l'avait marié, et depuis lors il avait marché droit dans un petit chemin où il y avait beaucoup de pierres. Jusqu'à l'incident de la table retenue et du dîner qui s'en était suivi, le digne monsieur Dumanet s'était efforcé de tenir à distance cet individu qui lui semblait louche en dépit de son manque de flair, mais aujourd'hui il désirait exploiter la relation qui s'était offerte. Alors il demanda, toujours pour avoir l'air de s'intéresser, le signalement de qui ? De la broche, parbleu. La broche, c'est vrai, elle était perdue, il l'avait oubliée. Et lui, copropriétaire de l'objet, il n'avait même pas songé à faire une déclaration quelconque. Il s'écria, reconnaissant, « Je ne sais vraiment, mon colonel, comment assez vous remercier. »« de rien, c'est tout naturel. » Le bon monsieur Dumanet regardait le comte de l'Étoile et se disait que cet homme de guerre agissait galamment envers eux, provinciaux inconnus qui ne savaient pas se débrouiller dans la capitale. Ce militaire aux yeux fuyants, aux grosses lèvres, au nez inquiétant et aux cheveux laineux, qui jusqu'à présent l'avait seulement fait songer au père Mulhouse, le vieux marchand d'antiquité du cours Carnot, lui apparaissait aujourd'hui grandi et transformé. Il admirait l'âme délicate et les procédés exquis du soldat sur qui, tout d'abord, il s'était inconsciemment mépris. Madame Matou entrait. Le colonel s'inclina profondément devant elle, et elle lui rendit en rougissant son salut. Elle se souvenait de la rencontre de la veille dans le couloir, et bien qu'au dîner M. de l'Étoile n'eût pas semblé la reconnaître, elle gardait de leur première entrevue un candide et attendrissant émoi. Jamais, même au temps de sa fraîche et ronde jeunesse, l'appétissante petite blonde qui était alors Madame Matou n'avait été courtisée ni même admirée ostensiblement. Mariée très jeune, avec une toute petite dot, un mari également peu fortuné et qu'elle adorait, elle n'avait connu la fortune que très tard et le monde que lorsqu'elle avait passé l'âge d'y briller. Femme supérieurement honnête et de tempérament plutôt froid, elle n'avait jamais eu la moindre velléité de faire de la peine à l'homme supérieur, croyait-elle, qui lui avait donné son nom. Mais romanesque à l'excès, et douée d'une sensibilité mal équarrie, trompée comme pas une, en imagination et en désir sinon en réalité, et gobeuse infiniment, elle avait rêvé, sans même se rendre compte qu'elle les rêvait, nombre de petits romans très moraux où elle se sentait rougir devant un gentilhomme qui pâlissait en l'apercevant. En rencontrant, à l'instant même où elle débarquait à Paris, cet homme décoré et titré qu'elle avait paru éblouir, elle s'était remémorée malgré elle que les romans du cabinet de lecture de Pont-sur-Orne commençaient souvent par des rencontres analogues. Et quand, un peu plus tard, elle avait retrouvé au restaurant l'officier de l'hôtel, elle avait jugé que cette rencontre fortuite était en quelque sorte providentielle, à moins qu'elle ne fût voulue, ce qui étayait encore davantage sa conviction. Mais elle avait, après réflexion, écarté cette dernière supposition comme trop improbable, et elle s'était contentée de remercier le hasard providentiel. La froideur du colonel, elle la devina calculée. Son affectation à s'occuper de Madame Dumanet lui apparut comme un trait de génie pour détourner les soupçons. Et du fond de son âme limpide, elle se réjouit de la bonne fortune, toute platonique, qui lui arrivait. Non pas que le colonel Comte de l'Étoile fût à ses yeux le type parfait de l'amoureux servant. Elle aussi avait, comme M. Dumanet, trouvé qu'il ressemblait à s'y méprendre au père Mulhouse qui, à Pont-sur-Orne, vendait des bibelots et prêtait de l'argent aux fils de famille et aux paysans. Elle éprouvait même pour ce petit bonhomme gros et brun, à la peau huileuse et au regard insaisissable, une sorte de répulsion physique qu'elle ne s'expliquait pas et qui était tout bonnement la répulsion du chrétien pour le juif. Cette répulsion inexpliquée ne l'inquiétait pas autrement, le physique n'ayant rien à voir dans l'innocente aventure qu'elle espérait. Bien décidée à ne pas quitter un instant M. Matou de la Mayonnaise, elle n'imaginait rien de coupable entre elle et le colonel. Comme la veille, Mme Matou avait sorti une collection de bijoux dont quelques-uns fort beaux. De ces lourds bijoux de famille, faits de pierres belles et mal montées et qui fourniraient matière à 4 bijoux différents, présentés par les bijoutiers d'à présent. Embarrassée, ne sachant quelle contenance tenir devant celui qu'elle considérait déjà comme un amoureux, Mme Matou, voyant qu'il contemplait attentivement sa large poitrine, dit en parlant d'une énorme plaque qui en ornait le point central « Vous regardez ma corbeille de fleurs, colonel ?» C'est l'impératrice Joséphine qui donna cette broche à ma grand-mère pour la remercier de... Mais le comte, un peu gêné, protestait. « Nullement, madame, nullement. » Et pour donner plus de force à sa dénégation, il conclut. « C'est vous seule que je regardais. » Une vague haletante souleva la grosse broche et madame Matou, oppressée, balbutia. « Moi, oh, moi, colonel !» Il devait sembler que lorsqu'elle avait parlé de sa broche, le brave soldat avait rougi. Et cette rougeur bouleversait toutes les idées qu'elle s'était faites. Dans les romans conçus par son imagination incertaine, c'était toujours la femme qui rougissait. À l'homme, elle réservait la pâleur qu'elle jugeait plus mal. Comme il se faisait un silence qui l'embarrassait, elle demanda à M. Dumanet pour se donner une contenance. « Ça va bien depuis hier soir ?» Il répondit en relevant péniblement ses sourcils et en remontant la peau de son front qui disparut à moitié sous ses cheveux encore épais. « Non, non, ça ne va pas bien du tout, j'ai un mal de tête fou. » Depuis la veille, il roulait dans sa tête un flot de prétextes pour lâcher les autres et s'isoler à leur indiquer par Ondine de Panama, et le mal de tête était celui auquel il s'était arrêté. Ce prétexte simple et vraisemblable lui avait somme toute semblé préférable à d'autres plus compliqués. Il se promettait, si la petite cocotte ne lui avait pas fait une farce, une joie infinie de ce rendez-vous. Il allait donc rendre à Joséphine une partie, oh, bien petite, mais sans fin, on fait ce qu'on peut, des crasses qu'elle lui avait faites depuis 22 ans. Elle commença à lui peser ses 22 années de sagesse. En dépit des efforts qu'il tentait pour paraître souffrant, il avait ce matin-là une physionomie plus contente que de coutume. Si bien que Paul Matou, qui entrait, en fut frappé. Il dit, marchant la main tendue vers son futur beau-père, « Inutile de vous demander de vos nouvelles, vous avez une mine superbe. » La peau du front reprit son mouvement ascensionnel et le bon monsieur Dumanet répondit avec effort, « Je suis malade pourtant, des douleurs de tête insoutenables, je souffre horriblement. »« Ah bah !» fit Paul étonné, « Ben on ne le dirait pas par exemple. » Puis, changeant d'idée, il demanda, « Vous n'avez pas vu papa ?»« Non, » dit madame Matou de la Mayonnaise, « Il était sorti quand je me suis éveillé. J'ai dormi jusqu'à 9h30. Jamais pareille chose ne m'était arrivée. » Elle crut lire un reproche dans les yeux un peu chassieux du colonel comte de l'Étoile, et pensant que ce sommeil prolongé indiquait une absence de préoccupation un peu trop grande et que les héroïnes des romans qu'elle lisait étaient beaucoup moins désinvoltes, elle reprit pour corriger l'impression de tranquillité qu'elle ne voulait pas donner. « J'étais brisée, j'avais la fièvre. » Paul la regarda stupéfait. « Tu as eu la fièvre, toi, maman? C'est bien la première fois que ça t'arrive. » En 30 ans, jamais il n'avait vu sa mère indisposée. La santé robuste de la rondelette petite bonne femme résistait à toutes les températures, à tous les changements de régime, à tous les cheveux même, qu'elle ne cessait de se faire au sujet de son mari. Il la regarda et dit, presque inquiet, « Ah ça, vous êtes donc tous malades ce matin ?» Il jouait en causant avec les journaux posés sur la table. Une voix éraillée, mais qui se faisait douce de son mieux, demanda soudain « Pardon, monsieur, voulez-vous permettre ?» En même temps qu'une main très grasse et chargée de bagues s'allongeait, frôlant la hanche du jeune homme à moitié assis sur la table, il se retira précipitamment et murmura « Pardon, c'est moi, madame, qui vous demande pardon. » Une dame s'installa dans un froufrou de soie et, attirant à elle les journaux, commença de les lire d'un œil, tandis que de l'autre, elle suivait attentivement tous les mouvements de Paul. Le colonel se pencha vers M. Dumanet qui écoutait avec respect craquer la belle robe de soie de la nouvelle venue et susurra à son oreille en glissant un regard vers la grosse dame « La duchesse de Corda Potentia ». Le respect de M. Dumanet s'accentua tandis que Mme Matou de la Mayonnaise examinait curieusement la duchesse. une duchesse en chair et en os, qui venait bourgeoisement lire les journaux à une table à côté d'elle, en se frottant avec simplicité contre son fils, lui semblait chose superbe à voir. Elle voulut faire partager à Paul l'admiration dont débordait son cœur, mais il courait au-devant de Sylvie qui venait d'entrer avec sa mère. Madame Dumanet portait ce matin-là une robe de foulard bleu à pois blancs, très terne, très quelconque, et destinée à se confondre, où qu'elle fût, avec d'autres robes semblables. Sa grande silhouette élégante parut agacer la duchesse. L'œil des journaux abandonna sa lecture et rejoignit celui qui regardait. Sylvie examinait, surprise, cette grosse dame boudinée dès le matin dans une étonnante robe de brochet gris-argent où couraient des branches de glaïeul de toutes nuances et grandes comme nature. La figure aux gros traits, aux grosses lèvres enduites d'un rouge géranium tout à fait invraisemblable, et aux grands yeux, des yeux de velours très beaux, offrait un ensemble banal et déjà vu. Sous le blanc qui recouvrait d'une couche épaisse le visage mou, des boutons apparaissaient nombreux, quelques-uns piqués de longs poils raides et noirs. Le corps replet donnait, avec sa taille assez fine, entre une poitrine abondante et des hanches hautes et lourdes, l'image assez exacte d'un traversin noué par le milieu. Toute petite, avec sa tête recouverte d'une perruque blonde frisée à l'enfant, la duchesse de Corda Potentia faisait à quelques pas l'effet d'une femme de 30 ans. De près, elle portait largement les 57 ans qui étaient son âge réel. Madame Dumanet l'aperçut. Vexée à la pensée que peut-être le colonel trouvait à son goût cette nouvelle venue près de qui elle le rencontrait ce matin, elle demanda, presque haut, en désignant du doigt la grosse dame, « Qu'est-ce que c'est que ce tas ?» Sylvie observait attentivement la duchesse, dont les lignes, sans qu'elle sût pourquoi, provoquaient une réflexion et des recherches de sa mémoire, et tout à coup, elle dit, après avoir longtemps cherché ce qui inquiétait ainsi ses yeux et ses souvenirs, « Elle ressemble au colonel, vous ne trouvez pas ?»« Parbleu, » fit Paul convaincu, « ils se ressemblent tous entre eux. » L'entrée de M. Matou empêcha les explications que Mme Dumanet arrogante allait demander. La haute stature de M. de la Mayonnaise semblait s'être affaissée depuis la veille. « Ah, enfin !» fit Mme Matou, « je commence à être inquiète de toi. » Paul demanda, « Où déjeunons-nous? Nous mourrons de faim, tu sais, papa. »« Moi, » expliqua la belle Joséphine, « je vous quitterai tout de suite après le déjeuner. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Il faut que je sois à 2 heures. » Elle regarda fixement le colonel et acheva, « 7 avenue de l'Opéra. » Puis se tournant vers son mari, elle dit, « Vous vous chargerez aujourd'hui de Sylvie. » Mais M. Dumanet prit tout son courage pour déclarer, « Impossible, ma bonne, impossible. J'ai un mal de tête fou. Je vais me coucher. » « C'est nous qui nous chargerons de Sylvie, » dit la bonne Madame Matou. « Nous avons précisément des emplettes à faire et des robes à essayer. » Comme d'habitude, elle regarda son mari pour savoir s'il acquiesçait à son dire. Mais brusquement, son large visage heureux se rembrunit et elle demanda, inquiète, « Tu n'es pas malade, mon ami? Tu as une mine affreuse. » Un instant interloqué, M. de la Mayonnaise se remit vite et répondit, « Mais non, je ne suis pas malade du tout. » Puis prévoyant la question qu'il voulait éviter, il ajouta « J'ai pris l'air ce matin, j'ai flâné et je me porte à merveille. » La vérité, c'est qu'il avait cherché l'adresse de la môme framboise et qu'il l'avait trouvée. Et Paul, qui devinait les nouvelles préoccupations de M. Matou, se dit à part lui « C'est tout de même cocasse, c'est papa qui a fait la noce et c'est M. Dumanet qui va se coucher. » Dès que sa femme s'en fut allée chez le dentiste et que les Matou eurent disparu avec Paul et Sylvie, M. Dumanet monta chez lui, s'inonda de parfums et, s'élançant dans la rue, se mit en quête d'un fiacre. Longtemps planté au rond-point des Champs-Élysées, il attendit, agitant sa canne, appelant, exécutant les signaux les plus expressifs. Les cochers non chargés filaient dédaigneux sur leurs sièges, sans accorder la moindre attention à ses appels désespérés. Et à la fin, voyant approcher l'heure, il prit le parti d'aller à pied, demandant son chemin à chaque sergent de ville qu'il rencontrait. Quand il dit à la concierge de la rue de Moscou, « Madame de Panama est-elle visible ?» Le cœur lui battait un peu. Le sourire narquois qu'il crut deviner sur les lèvres de cette femme le mit plus mal à l'aise encore. Il monta lentement l'escalier, pris de peur, se demandant s'il n'allait pas se sauver sans sonner. Pour la première fois de sa vie, M. Dumanet allait chez une cocotte. bien qu'il voulût croire qu'Ondine de Panama était, sinon une femme austère, du moins une cocotte de haute marque, le sans-façon dont elle avait fait preuve en lui glissant son adresse prouvait une grande pratique d'un procédé qui manquait un peu d'allure. Il était forcé de reconnaître que Madame de Panama devait être ce qu'à Pont-sur-Orne on appelle une femme facile. À son timide coup de sonnette, une très grosse personne vint ouvrir. Elle portait une robe de soie noire, une énorme chaîne et un immense médaillon rempli de cheveux mesquinement tressés. Monsieur Dumanet, vaguement inquiet, se demandait quelle pouvait bien être la condition sociale de cette grosse dame. Après avoir beaucoup réfléchi, il pensa que c'était une femme de charge, et il allait se décider à parler lorsque la bonne femme, agacée de voir qu'il ne disait rien, demanda « C'est-y vous que ma fille attend ?»« Sa fille ?» Monsieur Dumanet fut violemment impressionné. Et attend l'émut à ce point que, se sentant les jambes en coteau et la paupière humide, il eut un instant l'idée de s'asseoir par terre et de se mettre à pleurer. Il parvint à ébaucher un signe affirmatif et la grosse dame l'introduisit dans un salon encombré de meubles disparates, de coussins, de vieilles fleurs, de pluches, de bibelots et de tableaux achetés au bazar. Mais M. Dumanet ne discerna pas ces choses. Troublé au dernier point, il s'assit sans dire un mot, promenant autour de lui des regards tout pleins d'admiration. Cet intérieur criard et multicolore qui ne ressemblait à aucun de ceux entrevus à Pont-sur-Orne devait être le type de l'intérieur parisien chic. Tandis qu'il se recueillait, préparant la phrase qui saluerait l'entrée de Madame de Panama, il eut la surprise d'entendre sa mère qui avait disparu dans la chambre voisine frapper à une porte, puis répondre à une voix qui crie impatiente « Qu'est-ce que tu veux ? C'est ton vieux, n'est pas bavard. » « Ton vieux ? » Jamais ses 50 ans n'avaient pesé ainsi sur M. Dumanet. Il se sentait très jeune encore, et effectivement il l'était. La vie saine, exempte d'émotions et sobre de nourriture et de plaisir, qu'il avait menée toujours, l'avait conservé très jeune de fond, alors que mal habillé, se tenant mal et manquant totalement de désinvolture, il paraissait très vieux. Ce fut avec chagrin qu'il entendit la mère de Madame de Panama le désigner de la sorte, avec effroi qu'il entendit sa fille qui répondait « C'est bon, je viens, amuse-le en attendant ». Aussi, lorsque la grosse dame, riant d'un large rire qui montrait, dans l'écartement d'une formidable mâchoire, des dents superbes, capables de broyer des pierres, revint à lui d'un air empressé, il fit un brusque mouvement de recul qui la surprit. Elle demanda, bon enfant, « Ben, qu'est-ce qu'il y a donc, mon petit père? On dirait que je vous fais peur. » Il balbutia, aussi poli que s'il eût parlé à une femme du meilleur monde. « Oh, madame, oh, pouvez-vous croire, dame ?» « Vous sautez comme s'il y aurait des anguilles dans le canapé. » Elle s'assit à côté de M. Dumanet et l'amusa en lui racontant tous les mérites de sa fille et une partie de sa vie. Certes, la carrière qu'avait choisie Julie, car elle s'appelait Julie, Ondine était un nom de guerre, n'était pas celle qu'elle eût souhaité lui voir choisir, mais enfin, il fallait bien subir ce qu'on ne pouvait empêcher, et la petite réussissait aussi bien que possible. Comme M. Dumanet, un peu gêné par ses confidences maternelles, ne répondait rien, elle demanda « Vous avez des enfants ? J'ai une fille. »« Ah ! » fit Madame de Panama mère, très intéressée. « Vous aussi. Et qu'est-ce qu'elle fait, la vôtre ?»« La mienne, » répondit M. Dumanet, de plus en plus embarrassé, « elle va se marier. » La grosse dame soupira et dit approbative « Vous avez raison. Le mariage, c'est encore ce qu'il y a de mieux. »« Certainement. » murmura M. Dumanet, qui pensa par lui qu'il n'était pas venu rue de Moscou pour parler du mariage de Sylvie, et qui commençait à trouver que la mère de madame ne l'amusait pas du tout. Enfin, Ondine entra, fraîche, drôlette, vêtue d'une petite robe de foulard rose et coiffée d'un immense chapeau de bergère tout jonché de roses. Elle courut vers M. Dumanet et lui secoua la main en disant « À la bonne heure, c'est gentil d'être venu », tandis que lui la regardait un peu interdit. Tel n'était pas en effet le costume dans lequel il eût désiré être reçu par Ondine de Panama. Il connaissait à Madame Dumanet des peignoirs de formes vagues et de nuances indéterminées. C'était dans un peignoir de ce genre, mais encore plus suggestif, qu'il espérait trouver la petite cocotte. Son costume de ville, son chapeau déjà mis l'inquiétait. Tout de suite, la jeune femme fit signe à sa mère de se lever. La grosse dame obéit et Ondine s'assit à la place qu'elle venait de quitter. Mais aussitôt elle se releva en disant « Matin, bah t'as pas le sang à la tête toujours ?» S'emparant de la main de M. Dumanet, Elle la posa sur la place encore chaude et demanda « Ça brûle-t-il assez, hein ?» Puis suivant son idée, elle reprit « Mon vieux, y a pas à dire, c'est une bonne idée d'être venu. T'es gentil comme un cœur. » Et sans lui laisser le temps de répondre « Nous allons aller à l'exposition, pas ?» Monsieur Dumanet ne s'attendait guère à cette proposition. Il balbutia, ahuri « À l'exposition ? Que j'aille à l'exposition, avec vous ?»« Dame, mon gros, à moins que t'aimes mieux y aller avec maman ?» Toute sa frimousse drôle s'épanouissait dans un rire communicatif. Monsieur Dumanet rit aussi, puis il dit, redevenu soudain sérieux, « Vous tenez à aller à l'exposition ?»« Si j'y tiens, je te crois que j'y tiens. J'y tiens même qu'à ça, je te dirais. » Voyant la mine consternée du pauvre homme, elle questionna, étonnée, « Qu'est-ce qu'il y a, voyons ? T'as pas d'argent ?»« Oh ! » murmura Monsieur Dumanet indigné. « Oh, croyez bien que je ne serais pas venu ici sans argent. » Ben, « alors, qu'est-ce qui nous empêche d'aller nous balader, et puis dîner, puis après ?»« Après, tu verras, je te dis que ça. » Monsieur Dumanet gémit, affolé à l'idée de ce « et puis après » qu'il allait perdre. « Mais je ne peux pas aller à l'exposition parce que, à cause de ma famille, comprenez-vous ?»« Ta famille ? C'est avec elle que tu étais hier soir ?»« Oui. »« T'es marié, alors ?»« Oui, » balbutia Monsieur Dumanet. « Oh, je t'en veux pas de ça, c'est pas ta faute. » Elle se mit à rire et demanda « Et dis donc, ta femme, c'est-il la petite grosse qui roupillait ou bien la grande maigre qui farce avec Salomon Stern ?»« Salomon Stern, connais pas. »« Comment connais pas ? Bah, elle est raide, celle-là, par exemple. Connais pas, et tu dînes avec lui. »« Moi ? Dame !» Même que quand je l'ai vu se défiler avec la grande maigre, je me suis dit « C'est le coup des bijoux, pour sûr. » « Je n'ai dîné, » dit Monsieur Dumanet, qu'un soupçon commençait à hanter faiblement. « Qu'avec ma femme, ma fille, le jeune homme qu'elle va épouser, ses parents et le colonel comte de l'Étoile. »« T'as dîné avec un sale youtre, un voleur qui s'appelle Salomon Stern, je le connais peut-être. » Et avec une intonation comique, elle conclut. « Je suis une de ses victimes. »« Mais, » murmura M. Dumanet abasourdi, « je ne comprends rien à ce que vous m'expliquez, imparfaitement d'ailleurs. » Il se souvint tout à coup d'un peu de l'allemand appris jadis au lycée de Pont-sur-Orne et s'écria « À moins que, étant donné que Stern veut dire étoile, l'individu dont vous parlez n'ait francisé son nom et pris un grade et un titre que... » Il dit à Ondine où et comment il avait fait la connaissance du colonel. Elle expliqua en riant. « Alors il fait les hôtels à présent. Du reste, pendant l'exposition, c'est pas déjà si bête. C'est égal, dis à tes femmes d'enfermer leurs bijoux, et toi, si tu m'en crois, mets ta main sur ta montre pendant qu'il te parle. » « Oh !» fit Monsieur Dumanet, illuminé soudain. « Ma femme a perdu hier une broche d'une assez grande valeur. Est-ce que... »« Mais non, c'est impossible. C'est le colonel qui est allé ce matin lui-même à la préfecture de police pour faire la déclaration. » Ondine fit un geste approbatif. « Voyez-vous ça, Larosse ?» Puis revenant à ses moutons, elle demanda à Narquoise. « Alors c'est pour pas déplaire à la femme qui fait ploter sa broche par cette canaille de Stern que tu ne veux pas aller à l'exposition ?» « Bah t'es bête, tu sais. Si tu crois qu'il se gêne à cause de toi, t'en as une couche. »« Ce n'est pas seulement à cause de ce que vous dites, c'est parce que je ne veux pas m'exposer à être vue par ma fille. » Ondine répondit, l'air sérieux. « Ah, ça j'ai rien à dire. » Et gentille, indifférente, elle conclut. « Seulement alors, il n'y a rien de fait, mon pauvre vieux. » Depuis un instant, M. Dumanet se creusait la tête pour trouver un moyen de faire ce que la petite cocotte désirait. Et une idée lui était venue. C'est qu'en allant dîner au restaurant russe où ils avaient dîné la veille, il était certain de ne pas faire de rencontre fâcheuse. Bien sûr, les autres ne retourneraient pas ce soir au même endroit. D'autre part, ils s'informeraient demain des choses que l'on devait visiter, et dans 2 jours, quand ils seraient fixés sur le lieu d'évolution de ceux de sa bande, ils pourraient aller se promener avec Ondine de Panama d'un autre côté. « Si vous voulez, » proposa-t-il, « je vais revenir à 7 heures vous chercher pour vous emmener dîner à l'exposition. »« Ça va. Où ça ?»« Au restaurant russe. »« Encore ? T'as donc une remise ?» Monsieur Dumanet aurait bien voulu rester et obtenir avant le dîner ce qu'il désirait vraiment beaucoup. Mais la petite bonne femme fut intraitable. Elle voulait aller se promener, et puis elle avait l'habitude de faire payer d'avance. Elle donna donc rendez-vous à Monsieur Dumanet à la porte du pavillon russe à 7h30, mais elle lui offrit de rester se reposer chez elle en attendant. « Si tu veux, maman te tiendra compagnie. » Outre que cette perspective ne séduisait pas du tout M. Dumanet, il fallait qu'il fût à l'hôtel à l'heure où les autres rentreraient vraisemblablement. Il lui fallait même se coucher pour donner l'illusion de la maladie prétextée. Il ne conta pas ce détail à la petite cocotte qui piaffait sur place. Il lui expliqua seulement qu'il devait, s'étant dit souffrant, se montrer et faire croire qu'il n'était pas sorti de la journée. Alors la mère de Madame de Panama, qui était rentrée dans le salon et qui les écoutait parler, déclara sentencieusement, en s'adressant à M. Dumanet, « C'est gentil, la famille, mais ça fait bien des arias. »